إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, on continue donc la lecture de l'ouvrage de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala, intitulé Masail al-Jahiliya, dans lequel le Shaykh rahimahullah ta'ala a mentionné un certain nombre de préceptes des gens de la Jahiliya, des gens de la période pré-islamique, au sujet desquels le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est opposé aux gens de la Jahiliya. On va voir dans le cours de ce soir trois préceptes qui sont relativement proches les uns des autres, étant donné qu'ils traitent tous d'une seule et même question qui est le qadr, le destin. L'auteur rahimahullah ta'ala a dit « Al-mas'alatu thalithatu wal-arba'un juhudul qadr » Le 43e précepte parmi les préceptes des gens de la Jahiliya, c'est le rejet, la négation du qadr, le destin. Et comme vous le savez, le destin, il fait partie des six piliers de la foi auxquels il est obligatoire pour tout musulman de croire. Et nul ne peut avoir la foi si ce n'est en ayant foi en ces six piliers, parmi eux, le destin. En effet, lorsque Jibril alayhi salam est venu sous l'apparence d'un homme interroger le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la foi, il lui a dit « Informe-moi au sujet de la foi ». Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit « Al-iman, la foi, an tu'mina billah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yawmi l'akhir, wa tu'mina bil qadari, khayrihi wa sharrihi. » La foi, c'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a également informé de cela dans son noble livre. Lorsqu'il a dit subhanahu wa ta'ala, « Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadr » Certes, nous avons créé toute chose avec mesure, par un décret prédestiné. C'est-à-dire qu'il était écrit quand cette chose se passerait et comment elle se passerait. Et ce pour toute chose. Car ce verset englobe l'ensemble de la création. Donc rien ne se passe dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala si ce n'est sans qu'il ne l'ait décrété et sans qu'il ne l'ait voulu. Et comme on l'a déjà dit dans un précédent cours, Allah subhanahu wa ta'ala a connaissance de toute chose. Il sait ce qui s'est passé, ce qui se passe, ce qui va se passer, et il sait même ce qui ne se passe pas, si cela se passerait, comment cela se passerait. Et ce car son savoir englobe toute chose, subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, de par son savoir parfait, son savoir qui englobe toute chose, il sait donc tout ce qui va se produire, et ce jusqu'au jour de la résurrection. Et c'est cela qu'il a ordonné à la plume d'écrire, et ce dans la table préservée. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à ce sujet « Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha » Nul malheur n'atteint la terre et nul malheur n'atteint vos personnes sans qu'il ne soit inscrit dans un livre avant de l'avoir créé. C'est-à-dire avant d'avoir créé la terre et d'avoir créé vos personnes ou alors avant d'avoir créé ce malheur qui atteint la terre ou qui atteint vos personnes. Tout ceci est écrit dans la tablette préservée. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, « Inna dhalika ala Allah yasir » Et ceci est quelque chose de simple pour Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit au sujet du destin, « Sache que ce qui t'a atteint ne pouvait point t'échapper, et ce qui t'a échappé ne pouvait point t'atteindre. » Puis il dit à la fin du hadith, « Les plumes sont levées, et les feuillets ont séché. » C'est-à-dire que tout a été écrit et prédestiné. Et ces choses qui sont écrites, elles ne peuvent se produire que par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'Allah veut, cela se produit, et ce qu'il ne veut pas, cela ne peut en aucun cas se produire. Et ce qu'Allah veut, subhanahu wa ta'ala, alors il le crée. Comme il dit subhanahu wa ta'ala, Allahu khaliqu kulli shay. Allah est le créateur de toutes choses. Allahu khalaqakum wa ma ta'maloun. Allah vous a créé, c'est-à-dire vous, ainsi que vos œuvres. Ce que vous faites, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé le bien et il a créé le mal. Il a décrété le bien subhanahu wa ta'ala de par sa miséricorde et sa grâce. Et il a décrété le mal de par sa sagesse et son équité subhanahu wa ta'ala. Et donc ces quatre points que je viens de mentionner, ce sont les quatre degrés de la foi au destin. Et il est obligatoire pour nous de croire en ces quatre points. Le premier, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait toutes choses. Comme on a dit, ce qui s'est passé, ce qui se passe, ce qui se passera, et même ce qui ne se passe pas, si cela se passerait, comment cela se passerait. Le deuxième degré, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit toutes choses sur la tablette préservée. Le troisième degré, c'est que toute chose qui se produit dans cet univers, Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu. Et que rien ne peut se passer sans la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et enfin, le quatrième point, ou le quatrième degré, c'est le fait de croire qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a créé toute chose. Il est donc impératif, pour avoir la foi au destin, de réunir entre ces quatre degrés. Allah, subhanahu wa ta'ala, sait toute chose. Allah, subhanahu wa ta'ala, a écrit toute chose. Rien ne se passe sans la volonté d'Allah, et ce qui se passe, Allah l'a voulu. Et tout ce qui se passe, Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. Et les gens de la Jahiliya, ils rejetaient cela. Ils ne croyaient pas au destin. La preuve à ce sujet est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans trois versets de son livre. Le premier est dans Sourate Al-An'am, le verset 148. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Sayaqulu alladhina ashraku law sha'a Allahu ma ashrakna wa la aba'una » Ceux qui ont associé diront, si Allah avait voulu, nous ne lui aurions pas donné d'associé, et nos ancêtres non plus. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate An-Nahl, au verset 35, وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا. Et ceux qui ont associé dirent, si Allah avait voulu, nous n'aurions rien adoré en dehors de lui, ni nous, ni nos ancêtres. Et il dit subhanahu wa ta'ala au verset 20 de Sourate Az-Zukhruf, وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ. Ils dirent, si le tout miséricordieux aurait voulu, nous ne les aurions pas adorés. Et les savants du tafsir ont interprété ces versets de deux manières. La première explication qu'ils ont donnée à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, لَوْ شَاءَ اللَّهُ, si Allah avait voulu, c'est que ce qui est visé par cette parole est le rejet du destin. C'est-à-dire que lorsqu'il disait si Allah avait voulu, cela signifie si Allah avait une volonté. Ils ont donc renié la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ils ont dit, si Allah avait voulu, il ne nous aurait pas laissé faire ces choses-là. Ils visaient donc la négation du destin. Et que c'est eux qui font ces œuvres sans la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils ont donc attribué ces œuvres à leur propre personne et leur propre volonté de manière indépendante d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et cette croyance, en réalité, c'est exactement la même que celle des Mu'tazila. En effet, les Mu'tazila, qu'est-ce qu'ils disent? Ils renient la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala, en ce qui concerne la mécréance et la foi, le bien et le mal. Et ils disent que tout ceci est le fait des serviteurs. C'est-à-dire que ce sont eux-mêmes qui font leurs propres œuvres, qui croient ou qui mécroient, qui font le bien ou qui font le mal, et ceci n'est pas soumis à la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils sont donc en cela semblables aux gens de la Jahiliya, car par cette croyance, ils rejettent le destin qui est un des six piliers de la foi. La deuxième manière d'interpréter ce verset est que le sens de la parole, si Allah avait voulu, nous n'aurions pas associé, c'est qu'ils ont voulu dire par là qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, seraient satisfaits de leurs actes. Et que s'ils n'étaient pas satisfaits de leurs actes, ils ne les auraient pas laissés faire. C'est-à-dire qu'ils reconnaissaient le destin et la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils le prenaient comme argument pour justifier leur mécréance. Pire encore, jusqu'à penser que ceci est une forme d'obéissance à Allah wa li'adhu billah. Pourquoi? Car ils disaient c'est Allah qui a voulu cela. Et nous, nous nous sommes soumis à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous avons obéi à son destin. Telle était la croyance présente chez des gens de la Jahiliyyah. Et cette deuxième explication, qui revient à prendre pour argument le destin, pour justifier les mauvaises œuvres qui sont accomplies, ceci correspond à la croyance des Jabriyyah, qui sont un groupe qui se sont égarés au sujet de la croyance au destin. En effet, ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Al-Jabriyyah, ils ont affirmé le destin, mais ils s'en sont servis comme argument pour justifier leurs mauvaises œuvres. Et ils disent que le serviteur est contraint d'accomplir ses œuvres, qu'il n'a pas le choix. Quand il fait un péché, il est contraint. Quand il fait une mauvaise action, il vole, il boit de l'alcool ou autre, il est contraint. Il mécroit, il est contraint. Telle est la croyance des Jabriyyah. Et ils sont ainsi semblables aux gens de la Jahiliyyah. Ils ont hérité cela des gens de la Jahiliyyah, des gens de la période pré-islamique. Donc vous voyez à travers cela l'importance de connaître quelle était la situation des gens avant l'islam. Et ce afin de savoir ce que l'islam a aboli pour pouvoir s'en écarter. Car si tu ne sais pas cela, il se peut que tu t'assimiles aux gens de la Jahiliyyah dans une croyance, dans un acte, dans une parole, sans même le savoir. Et comme vous le voyez, ce sujet ici il est d'une grande importance, car il est lié à un des piliers de la foi. Ce n'est donc pas une chose à prendre à la légère. Et la croyance des Jabriyyah, elle est donc semblable à cette croyance qui était présente chez les gens de la Jahiliyyah. Donc ces versets que l'on a cités, ils prouvent un de ces deux sens que l'on vient de mentionner. Soit le rejet du destin, soit l'affirmation du destin et le fait de le prendre pour argument pour justifier les mauvaises œuvres. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a répondu à cela. Il dit subhanahu wa ta'ala dans surat al-an'am, après la partie du verset que l'on a cité, « قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا » Dis, c'est-à-dire au Muhammad, avez-vous un savoir, avez-vous une science quelconque à nous montrer? C'est-à-dire, avez-vous une preuve afin de nous démontrer que ce que vous prétendez est vrai? C'est-à-dire, quelle est la preuve que vos œuvres sont indépendantes de la volonté d'Allah? Ou alors, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de vos mauvaises œuvres, de votre polythéisme et des turpitudes que vous commettez? Quelle est votre preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de cela? Car il ne suffit pas de prétendre une chose, il faut amener la preuve. Donc quelle est la preuve de cette prétention? Puis Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ » Vous ne suivez que la conjecture et ne faites que mentir. Puis il dit subhanahu wa ta'ala « قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ » Dit « L'argument décisif appartient à Allah. S'il avait voulu, il vous aurait tous guidés. » Allah subhanahu wa ta'ala, il guide qui il veut parmi ses serviteurs. Et de la même manière, il égare qui il veut parmi ses serviteurs. Et ce, de par sa sagesse, subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala, son savoir englobe toutes choses. Donc, il sait qui mérite d'être guidé et qui mérite d'être égaré. Et il n'accorde pas le suivi de la bonne voie et le suivi de la guidée, si ce n'est à la personne qui mérite d'être guidée. Et c'est pour cela que celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a facilité le suivi du droit chemin, il se doit de faire preuve de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Car ceci est un grand bienfait dont nombreux parmi les serviteurs ont été privés. Sois donc reconnaissant de ce bienfait et veille à préserver ce bienfait qui est le bienfait de l'islam et le bienfait du suivi de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et dans Sourate An-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a répondu en leur disant que s'il était satisfait de leurs œuvres, alors il ne leur aurait pas envoyé de messagers afin de leur interdire le polythéisme et leur ordonner de lui vouer un culte exclusif. En effet, s'il était satisfait de leur situation, pourquoi leur envoyer un messager qui va leur interdire de commettre ces actes ignobles, ces actes de polythéisme, et qui va leur ordonner de vouer leur culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala? Il a donc dit après cela dans Sourate An-Nahl, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah, c'est-à-dire adorez Allah seul, en dehors de tout autre que lui, et écartez-vous du tagut, écartez-vous de l'adoration de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala a été satisfait du polythéisme, satisfait de leur mécréance comme eux le prétendaient, il ne leur aurait pas envoyé un messager, alayhi salat wa salam, afin de leur interdire cela. Donc l'envoi des messagers, il nous prouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas la mécréance, qu'il n'agrée pas le polythéisme, qu'il n'agrée pas les péchés, ni les oppositions à sa législation. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala réprouve cela et l'a interdit à ses serviteurs. Et de la même manière, Allah subhanahu wa ta'ala leur a répondu dans Surat Az-Zukhruf. Et il a dit subhanahu wa ta'ala, مَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. Ils n'en ont aucune connaissance et ils ne font que se livrer à des conjectures, inventer des mensonges. Donc, ils parlaient sur Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Ils disaient des choses au sujet desquelles ils n'avaient aucun argument. Et il n'y a pas de doute que tout ce qui touche la croyance et tout ce qui touche la législation de manière générale et la religion, il n'est pas permis de parler à ces sujets si ce n'est avec des preuves venant du législateur. C'est-à-dire, soit une preuve du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit une preuve de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car ce ne sont pas des choses au sujet desquelles on se base sur nos raisons, nos réflexions ou nos opinions. Mais on ne se base que sur les textes du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et les textes de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous voyez jusqu'où a mené le fait de parler sur Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Cela les a menés à prononcer ce genre de paroles ignobles en prétendant qu'Allah subhanahu wa ta'ala serait satisfait de leur mécréance et de leur polythéisme. Ceci nous démontre une fois de plus le danger de parler au sujet de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans aucune science. Ceci n'est pas une chose à prendre à la légère. Mais tu dois prendre garde à ne pas parler sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Si tu ne sais pas une chose, tu dis Allahu a'lam. Et comme on l'a déjà dit, ce n'est pas une condition et il n'est pas demandé de toi que tu prononces une parole ou que tu aies un avis sur chaque sujet religieux. Mais tu parles seulement de ce que tu connais avec certitude. Et ce que tu ignores, tu le délaisses et tu le laisses aux gens qui en ont les aptitudes. Et tu renvoies la science Allah subhanahu wa ta'ala en disant Allahu a'lam. Ensuite le cheikh rahimahullah ta'ala il a mentionné le précepte suivant concernant le fait de prendre pour argument le destin pour justifier ses mauvaises œuvres. Al-mas'alatu ar-rabi'atu wal-arba'un al-ihtijaj 'ala Allah bihi ay bil-qadr. Le 44e précepte c'est le fait de prendre pour argument le destin contre Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire pour justifier leurs mauvaises œuvres. Ils prétendaient donc être excusés de leurs mécréances et de leurs péchés, car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décrété cela. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, en réalité, il ne leur a rien imposé. Ils ne sont pas contraints de leurs œuvres. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné le libre arbitre. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné des capacités. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné une volonté. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a clarifié la voie du bien et il nous a clarifié la voie du mal. Il nous a montré la bonne voie à suivre et il nous a mis en garde contre la mauvaise voie qu'il ne faut pas suivre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné les moyens de faire ou de ne pas faire, d'accomplir ou de délaisser. Et nous faisons cela de notre propre volonté. Et nous ne sommes pas contraints comme le disaient les gens de la Jahiliya. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a expliqué et clarifié ce qu'il aime de ses serviteurs et ce qu'il n'agrée pas pour ses serviteurs. Et notamment, il n'agrée pas la mécréance. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre « وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ » et il n'agrée pas pour ses serviteurs la mécréance. Même si Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrété, ce n'est pas toute chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété qu'il aime. Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrété la mécréance, mais il déteste la mécréance. Mais il a décrété cela de par sa sagesse. Pourquoi? Afin de distinguer entre les gens. Qui sont les véridiques et qui sont les menteurs? Qui sont les croyants et qui sont les mécréants? Qui sont les hypocrites et qui sont les vrais croyants? Allah subhanahu wa ta'ala, il a donc créé et décrété ces choses qu'il réprouve de par sa sagesse subhanahu wa ta'ala. Il ne les a pas créées en vain. Et découle de cela des rétributions en fonction des œuvres du serviteur. Si ses œuvres sont bonnes, celles qu'il a accomplies de son plein gré et de sa propre volonté, alors sa rétribution sera bonne. Et si ses œuvres sont mauvaises, qu'il a accompli de son plein gré et de sa propre volonté de mauvaises œuvres, et qu'il a choisi d'emprunter le mauvais chemin, alors sa rétribution sera mauvaise. Et tout cela est accompli par les serviteurs de sa propre volonté. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne demande pas de compte à celui qui a perdu sa raison comme le Majnoun. Celui qui est fou, il n'a pas de compte à rendre. La plume est levée pour lui. De la même manière, celui qui dort et qui accomplit une chose en dormant, ou qui délaisse une chose à cause de son sommeil, ou celui qui est contraint d'une réelle contrainte, alors ceux-là, ils sont excusés et Allah subhanahu wa ta'ala ne leur demande pas de compte. Pourquoi? Car ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont délaissé, cela n'est pas de leur propre volonté. Donc, ceci nous démontre que celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la raison et qui n'est pas contraint de faire ou de délaisser un acte, alors celui-ci aura des comptes à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala. Car s'il a fait le mal, il l'a fait de sa propre volonté. Et s'il a fait le bien, il l'a fait de sa propre volonté. À titre d'exemple, celui qui boit de l'alcool, lorsqu'il boit de l'alcool, est-ce que quelqu'un le force à boire cet alcool? Ou bien c'est lui qui, de sa propre volonté, il achète cette boisson, ou il va la chercher, il se sert, il en boit. Il fait cela de sa propre volonté. Personne ne le contraint à faire cela. S'il souhaite délaisser cet acte, il peut le délaisser. Mais c'est lui qui a choisi de faire ce péché. Il aura donc des comptes à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala à ce sujet. De la même manière, celui qui délaisse la prière, il le fait de son plein gré. Est-ce que quelqu'un l'empêche de faire la prière? Est-ce que s'il le souhaite, il ne peut pas se lever, accomplir ses ablutions et aller prier? Il peut, il a les capacités, mais c'est lui qui refuse de prier. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé des messagers alayhi salat wa salam, afin de clarifier la bonne voie, d'interdire ce qui est mauvais et d'ordonner ce qui est bon. Ils ont interdit le polythéisme, la mécréance et les péchés. Et ils ont ordonné le tawhid, fait de vous un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, la foi et les bonnes actions. Et ils nous ont informé des conséquences de ces œuvres, en bien ou en mal, et des châtiments par lesquels seront rétribués les auteurs des mauvaises actions et des péchés. Donc la personne qui est douée de raison, qui a connaissance de cela, qui a les moyens de faire ou de ne pas faire, qui a les capacités de délaisser les mauvaises actions et d'emprunter le bon chemin, qui n'est pas contrainte, comment peut-elle venir ensuite et dire « Ces péchés, cette mécréance, ce polythéisme que j'ai fait, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a voulu. » Il prend cela comme argument pour justifier ses mauvaises actions. Ceci en réalité, c'est une preuve contre eux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala leur a clarifié toute chose. Il n'est donc pas permis pour le musulman de prendre le destin pour argument pour justifier ses mauvaises œuvres. Mais tu dois toujours avoir en tête que ces péchés, ces mauvaises actions que tu peux être amené à commettre, tu les as fait de ton plein gré. Même si Allah subhanahu wa ta'ala les a décrétés, c'est toi qui as choisi d'emprunter ce chemin. Tu dois donc t'en prendre qu'à toi-même et ne blâmer que ta propre personne, te remettre en question, te repentir et revenir à Allah subhanahu wa ta'ala en empruntant le droit chemin. La seule chose pour laquelle le destin est un argument, c'est pour justifier les calamités qui nous atteignent. Si la personne est atteinte d'une quelconque calamité, comme une maladie, la mort d'un proche, un accident, ou autre parmi les calamités qui peuvent toucher le serviteur dans ce bas monde, alors tu ne dois pas t'affliger. Mais tu te rappelles que ceci est le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu dis « قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ » Tu dis « Ceci est le décret d'Allah, et ce qu'il veut, il le fait. » Tu patientes face à ce décret et tu espères la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi qu'est le croyant lorsqu'il est touché par une calamité. Il a la ferme conviction, comme on l'a vu dans le hadith tout à l'heure, que ce qu'il a atteint ne pouvait pas y échapper, et ce qui lui a échappé ne pouvait pas l'atteindre. Tout ceci a été décrété par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu patientes et tu espères la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant au péché, alors tu ne dois pas prendre le destin comme excuse ou comme argument pour justifier tes mauvaises actions. Mais si tu fais un péché, tu t'empresses de te remettre en question, de le délaisser et de te repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu t'écartes des péchés et des mauvaises actions et tu empruntes le droit chemin afin d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de prendre le destin comme argument pour justifier les mauvaises actions, ceci fait partie des préceptes des gens de la jahiliya que l'islam est venu abolir et desquels nous devons nous écarter. Enfin, le cheikh il dit, rahimahullah, Al-mas'alatu al-khamisatu wal-arba'un, mu'aradatu shar'illah biqadarihi. Le 45e précepte, parmi les préceptes des gens de la jahiliya, c'est le fait d'opposer la législation d'Allah à son destin. Donc ce précepte, comme vous le voyez, il est encore lié au destin. Et c'est le fait qu'il y a des gens qui opposent la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala à son destin. Et qui disent, comment Allah subhanahu wa ta'ala peut-il décréter la mécréance et la foi, puis ensuite il légifère pour ses serviteurs des ordres et des interdits. Alors qu'il n'y a aucun intérêt à cela, wal'iyadu billah, telle est leur prétention, alors qu'il n'y a aucun intérêt à cela, étant donné que tout est décrété. Pourquoi les gens ne se contenteraient pas seulement de se reposer sur ce qui est décrété? Donc cela fait partie des préceptes les plus dangereux et les plus graves parmi les préceptes des gens de la jahiliya. Et ceci est suivi par nombre de personnes qui ont emprunté ce chemin, parmi ceux qui considèrent que la législation et le destin sont contradictoires. Et il n'y a pas de doute que ceci est une chose erronée. Car il n'y a pas d'opposition ni de contradiction entre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Et ce, en aucun cas. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrété le polythéisme, il a décrété la mécréance, il a décrété les péchés, mais il a interdit cela. Et il a légiféré la foi, la droiture, la bonté, et il n'y a pas de contradiction ni d'opposition entre cela. Car, comme on l'a dit, ce sont les serviteurs qui choisissent la voie qu'ils empruntent. Ce sont les serviteurs qui choisissent le chemin qu'ils empruntent, qui choisissent de faire le bien ou de faire le mal, et ce, de leur propre volonté. Donc les actions, elles sont attribuées à qui? Elles sont attribuées aux serviteurs. Et c'est pour cela que les serviteurs seront châtiés pour leurs péchés et récompensés pour leurs bonnes actions, même si cela a été décrété par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le serviteur, il est rétribué en fonction de ses œuvres et non en fonction de son destin. C'est sur ce qu'il a fait qu'il sera jugé, et non pas sur ce qui a été décrété. C'est sur ses actes qu'il a accompli de son plein gré qu'il sera jugé et qu'il devra rendre des comptes. Et ce précepte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a clarifié de manière évidente ce qui vient nous démontrer sa fausseté. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit un jour à ses compagnons, comme cela est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala, que chaque personne, sa place au paradis et en enfer est déjà connue. Alors ils lui ont dit, ô messager d'Allah, pourquoi alors ne pas délaisser les œuvres et se reposer sur ce qui est écrit? Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, i'malu, œuvrez, fa kullun muyassar lima khuliqale. Chacun d'entre vous sera facilité à ce pourquoi il a été créé. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à ce sujet les versets de Surat al-Layl. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Celui qui donne et fait preuve de piété. Celui qui donne, c'est-à-dire celui qui fait tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné comme œuvre de bien, que ce soit en termes financiers, comme en donnant sa zakat, en prenant en charge les dépenses qui lui incombent vis-à-vis de ses proches, de sa famille, ainsi de suite, mais aussi tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné comme œuvre, comme la prière, le jeûne, le pèlerinage et ainsi de suite. Celui qui donne et fait preuve de piété, c'est-à-dire qui s'éloigne de tout ce qui lui est interdit comme péché, comme mauvaise action. Et croit en Al-Husna. Al-Husna, il est venu dans le tafsir différentes interprétations. Certains ont dit Al-Husna, c'est la rétribution. C'est-à-dire qu'il croit en la rétribution. Ou alors, en la récompense. Il croit en la récompense. C'est-à-dire la récompense pour les bonnes œuvres. D'autres ont dit, il croit en la ilaha illallah. La parole du tawhid. C'est-à-dire qu'il croit en cette parole et il croit en tout ce qu'elle implique comme croyance et tout ce qui en découle comme rétribution dans l'au-delà. Et d'autres ont dit ici, Al-Husna, c'est le paradis. Et croit au paradis. Et on voit que tous ces sens, en réalité, ils sont relativement proches et ils rentrent tous sous le terme Al-Husna. Donc celui qui donne, fait preuve de piété et qui croit en tout cela, nous lui faciliterons la bonne voie. C'est-à-dire qu'il sera facilité pour l'accomplissement de tout bien et le délaissement de tout mal. Pourquoi? Car il a fait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné. Il a délaissé les péchés et les mauvaises actions. Il a cru en la ilaha illallah. Il a cru en l'au-delà. Il a cru en la rétribution en fonction de ses œuvres. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite. Il lui facilite l'accomplissement des bonnes œuvres et il lui facilite le délaissement des mauvaises œuvres. Et à l'inverse de cela, il dit subhanahu wa ta'ala, selon le sens rapproché, quant à celui qui est avare et se dispense. Celui qui est avare, c'est-à-dire qui ne fait pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné. Il n'accomplit pas ses obligations et se dispense. C'est-à-dire, il se dispense de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et pense pouvoir se passer d'Allah. Il pense qu'il n'a pas besoin de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et traite de mensonge al-husna. Il traite de mensonge la ilaha illallah. Il traite de mensonge ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de croire. Et il mécroit en la rétribution dans l'au-delà. Alors, quelle est la conséquence de cela? Nous lui faciliterons alors la mauvaise voie. C'est-à-dire que le mal lui sera facilité. Il n'aura pas de difficulté à commettre les péchés. Mais cela lui sera facilité. Pourquoi? Car au préalable, il ne s'est pas soumis aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a mécru en l'au-delà. Il a mécru en la ilaha illallah. Il a mécru en la rétribution. Et il a pensé pouvoir se passer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah lui facilite la mauvaise voie. Donc le serviteur, il lui est ordonné d'œuvrer de son côté. Il accomplit le bien et il s'écarte du mal. Il accomplit les bonnes actions et il délaisse les mauvaises actions. Il voue un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'écarte du polythéisme. Il a la foi en Allah. Il s'éloigne de la mécréance. Il multiplie les bonnes œuvres pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il délaisse les péchés par crainte du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et chacun sera facilité à ce pourquoi il a été créé. Donc, œuvre dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné. Délaisse ce qui était interdit comme péché et mauvaise action. Crois en tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de croire. Tu crois en la ilaha illallah, en tout ce qu'implique cette parole et tu crois en la rétribution. Et le bien te sera facilité par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en résumé, on voit que les gens concernant le destin et la législation, ils se divisent en quatre catégories. La première catégorie, ce sont ceux qui affirment le destin et renient la législation. Et ceux-là sont les Jabriyyah. Ceux qui considèrent que toutes leurs œuvres leur sont imposées, qu'ils n'ont pas le choix et qu'ils n'ont pas de volonté. Et on a vu la fausseté de cette idéologie. Et parmi les choses que mentionnent parfois les savants, il y a le récit que l'on rapporte au sujet d'un homme étant touché par cette idéologie et qui était conseillé par une personne de la Sunna. Il lui dit donc, nous n'avons pas de volonté, nos œuvres nous sont imposées, nous n'avons pas le choix. Alors, le sunni, qu'est-ce qu'il a fait pour le convaincre de la fausseté de cette idéologie? Il l'a frappé. L'homme s'est alors énervé. Puis, le sunni lui a répondu, t'énerves-tu et me blâmes-tu pour un acte que je n'ai pas choisi et pour lequel je suis contraint? Et il laissa cet homme sans réponse et sans argument. En effet, pourquoi viendrais-tu me blâmer alors que je suis contraint? Si nous sommes contraints de nos œuvres, alors pourquoi y a-t-il des tribunaux? Nous ne devrions pas nous demander des comptes les uns les autres. Si nous nous demandons des comptes, c'est bien que nous avons une volonté et que nous choisissons de faire ou de ne pas faire certaines œuvres. Ceci est donc la première catégorie de personnes. La deuxième catégorie, ce sont ceux qui ont affirmé la législation et qui ont renié le qadar. Et ceux-là sont les qadariyyah, un autre groupe égaré au sujet du destin. Et eux ont dit que leurs œuvres sont indépendantes de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne crée pas leurs œuvres. Et cela s'oppose au texte clair du Coran et de la Sunna, comme certains versets que l'on vient de citer. Comme la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit « Wallahu khalaqakum wa ma ta'amaloun » Allah vous a créé et ce que vous œuvrez. Il vous a créé vous et vos œuvres. La troisième catégorie de personnes, c'est ceux qui affirment la législation et le qadr, qui affirment la législation et le destin, mais qui prétendent qu'ils sont contradictoires. Et ceci est ce sur quoi étaient les gens de la Jahiliya parmi les polythéistes. Et enfin, le quatrième groupe et la quatrième catégorie de personnes, ce sont ceux qui ont affirmé la législation et le destin et qui ont affirmé qu'il n'y a pas de contradiction entre la législation et le destin. Et ceux-là, ce sont les gens de la Sunna, qui croient avec certitude au destin, qu'il soit bon ou mauvais, et qui croient aux quatre degrés de la foi au destin que l'on a mentionné, et qui croient que l'homme a une volonté qui est soumise à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qu'il fait ses œuvres de son propre gré et qu'il sera rétribué en fonction de cela. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala, et on continuera la lecture du livre dans le cours de demain, inshallah ta'ala. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouter. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa alhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.